deuxième temps de notre série consacrée à l'histoire de la folie dans la fabrique de l'histoire. Ce matin, balade radiophonique dans le Paris de la folie entre XVIIe siècle et aujourd'hui. Hier, l'historienne Maud Ternon nous parlait de la justice des fous au Moyen-Âge. Demain, nous nous intéresserons aux dernières recherches sur la folie et l'histoire des institutions psychiatriques, tandis que le documentaire de jeudi, signé Séverine Niattard et Séverine Cassard, s'attachera au cas de Paul Teich entre fin du 19e siècle et début du 20e siècle. Et aujourd'hui, me direz-vous, eh bien, l'historien Benoît Majerus, auteur de La folie à Paris chez Paris Gramme, nous guide dans le Paris des lieux d'enfermement et de soins entre le 17e siècle et aujourd'hui. Une histoire de la folie à Paris, une émission proposée par Séverine Liattard et Séverine Cassard. La manie, la folie, c'est une telle dépravation de fonction de l'esprit que ceux qui en sont atteints ont une imagination, un jugement et une mémoire erronée. Ils ne sont pas plongés dans la crainte et la tristesse comme les mélancoliques, mais font tout à l'encontre de la raison. Quelquefois, ils mènent à bien ce qu'ils disent et ce qu'ils font, avec une certaine modération, en deçà de la fureur. Mais plus fréquemment, ils sont enragés. Ils ont le regard farouche. Leurs paroles et leurs gestes sont impulsifs. Alors ils racontent des faussetés, des obscénités et des horreurs. Ils vocifèrent, ils jurent, et avec l'instinct de la brute, ils accomplissent divers actes, certains à l'instar de la bête, étant étrangers aux mœurs humaines. Leur appétit vénérien notamment est tout puissant. En outre, ils tentent d'user de la violence contre eux-mêmes et sur les autres. En ce sens, ils s'arrachent les cheveux, déchirent leurs vêtements et quelquefois blessent leur propre corps en se mordant ou d'une autre manière, à moins qu'ils ne soient contenus correctement par des liens et des chaînes. Félix Plater, Praxeos Medicae, 1609. Benoît Majerus, vous êtes spécialiste d'histoire de la psychiatrie et vous venez publier un ouvrage sur la folie à Paris, du Moyen-Âge à nos jours. C'est assez ambitieux large. Et c'est large. Et qui vise finalement à considérer aussi la ville comme un observatoire un peu particulier de cette problématique de la folie, du fait notamment, on le comprendra, de la densité de la population et de l'installation évidemment de structures pour accueillir ou enfermer, puis soigner ce qu'on appelle les malades mentaux. Alors on a décidé de commencer cette promenade radiophonique à la Salpêtrière. Alors la Salpêtrière qui est un hôpital en fait qui est construit sous Louis XIV et qui est destiné à accueillir... les miséreux, les indigents, pas forcément les aliénés. Et là, plus particulièrement, on est dans la chapelle Saint-Louis. Parce qu'aujourd'hui, évidemment, la Salpêtrière, c'est un ensemble hétéroclite. Hein, architecturalement, il y a des bâtiments toutes sortes, de toute époque. Alors que bon, la chapelle, elle, par contre, elle date, hein, elle est d'époque. Oui, elle est à l'époque. On a fait donc la Salpêtrière, c'est un bon lieu pour commencer cette balade. Elle est utilisée comme lieu pour enfermer des femmes qui vivent un peu à la marge de la société au milieu du XVIIe siècle. À ce moment-là, elle fait partie d'un dispositif un peu plus large autour d'une politique de Louis XIV qui vise à enfermer les mendiants. Et donc on crée un dispositif plus large avec plusieurs institutions dont la Salpêtrière fait partie, mais aussi Bicêtre et encore d'autres lieux, où on veut enfermer des mendiants ou des gens qui vivent à la marge de la société. Et la Salpêtrière, ce qui la spécifie, c'est en effet que c'est destiné aux femmes. Et donc c'est un lieu où il y avait déjà des bâtiments, entre autres d'une ancienne fabrique de poudre, d'où le nom de la Salpêtrière. Et donc peu à peu, dans un premier temps, on va utiliser ces bâtiments qui existent, et puis peu à peu, on va ajouter des ailes. D'abord l'aile Mazarin, qui existe encore aujourd'hui. Et puis on va construire cette chapelle, qui est assez impressionnante, qui est aujourd'hui presque complètement vide, mais qui peut accueillir jusqu'à 4000 personnes et qui reproduit aussi déjà quelque chose qui va devenir un peu un des éléments spécifiques aussi de la psychiatrie, c'est-à-dire la division des personnes. Et ici, il y a quatre grandes ailes, et donc ça permettait de diviser ces populations qui ne devraient pas nécessairement se voir ou se toucher en quatre ailes différentes. Et toutes ces ailes voyaient quand même l'office qui allait se faire. Donc 4000 personnes au milieu du XVIIe siècle, c'est une population énorme. Et donc ça, c'est quelque chose aussi peut-être qui est alors spécifique à Paris pour cette période-là. C'est que Paris est quand même une des seules villes en Europe qui construit déjà à ce moment-là des institutions qui permettent d'enfermer autant de personnes. Paris est une ville où le pouvoir est présent et a les moyens, mais aussi la peur de ces populations marginalisées. Et cette idée-là, Benoît Magerus, elle se déploie notamment avant la Révolution française. On met en place une infirmerie générale où il y a l'idée, on l'a dit, on accueille les indigents, on accueille les miséreux, les vagabonds, et puis peu à peu, on commence à se dire qu'il faut construire, établir des institutions qui vont donner des soins. Il ne s'agit pas encore de donner des soins forcément psychiatriques, mais on tente de mettre en place des établissements pour soigner. Oui, donc dans un premier temps, l'État moderne, si on a fait, le but c'est d'enfermer. Et puis quelques années avant la Révolution française, commencent à se mettre en place des critiques de ces lieux d'enfermement. Et on dit alors voilà, ces lieux qui n'étaient pas des lieux médicalisés, pas du tout. Je veux dire, si on était malade, on était à l'Hôtel Dieu, on n'était pas ici. Donc c'est à partir de, oui, une dizaine d'années avant la Révolution française qu'on commence à répondre à cette critique et qu'on commence, en effet, à construire une infirmerie générale ici. Il faut savoir aussi que les folles faisaient à peu près 10% de la population totale des gens qui étaient enfermés ici. On les appelait les folles, oui. Ces femmes. Oui. Alors qu'il y avait toutes sortes de pathologies, hein, en fait. Oui. Après, c'est quelque chose qui reste peut-être encore jusqu'à aujourd'hui. Dans le langage courant, on continue aussi de parler de fous et de folles d'une manière un peu indifférenciée. Observation du citoyen Pussin sur les fous, 1798. Je suis venu à bout de supprimer les chaînes dont on s'était servi jusqu'alors pour contenir les furieux en les remplaçant par des camisoles qui les laissent promener et jouir de toute la liberté possible sans être plus dangereux. L'expérience m'a démontré et me démontre journellement que pour avancer la guérison de ces malheureux, il faut les traiter autant que faire se peut avec douceur. Leur en imposer, mais ne pas les maltraiter. Gagner leur confiance. Combattre l'objet qui les a affectés et leur faire envisager un avenir plus heureux. En un mot, c'est principalement par les remèdes moraux que j'ai toujours combattu cette maladie. Et si j'ai eu le bonheur d'obtenir quelques succès, c'est à eux que je dois les attribuer. Alors, il y a un médecin qui est important hein, dès cette époque, c'est bien sûr Philippe Pinel. Et il y a d'ailleurs à l'entrée de la Salpêtrière, au 47 boulevard de l'hôpital, il y a la statue de Philippe Pinel, bienfaiteur des aliénés. Hein. Et puis il y a un pavillon Philippe Pinel, évidemment, dans la Salpêtrière. Bienfaiteur des aliénés ou bienfaiteur des aliénistes, des psychiatres, c'est une question. Donc on a fait Philippe Pinel est un peu une figure mythologique, mais construite un peu par les psychiatres. Donc la figure fait partie des aliénistes qui veulent se donner bonne conscience et qui construisent donc une statue à la fin du 19e siècle. Et donc Philippe Pinel est d'abord à Bicêtre, et puis il viendra ici à la Salpêtrière, et on dit toujours qu'il a libéré les aliénés des chaînes. Après, on a montré combien aussi d'autres personnes, dont un infirmier Pussin, qui a joué un rôle très important dans cette histoire. Et on se rend aussi compte que ça a resté quand même largement une figure mythique autour de cette libération et que ça n'a pas fondamentalement changé les pratiques dans les asiles. Donc finalement, l'instauration de cette infirmerie générale, d'une certaine manière, est un acte, entre guillemets, plus révolutionnaire que ce moment de libération des chaînes. Mais c'est le moment quand même où certains médecins s'intéressent à la question de l'aliénation, de la maladie mentale, puisque Pinel écrit quand même un traité, enfin, oui, d'observation sur le traitement moral. Donc on observe un phénomène général dans l'histoire de la médecine, c'est-à-dire qu'il y a peu à peu une généralisation et donc il y a peu à peu une spécification des différentes maladies qui existent. Et donc en effet, c'est quelque chose donc, qui s'annonce dans la deuxième moitié du 18e et qui va alors devenir très clair dans la première moitié du 19e, c'est-à-dire que la maladie mentale est considérée comme une maladie spécifique, différente d'autres formes de marginalité. Et donc on va créer un cadre juridique avec la loi de 1838, on va créer un métier spécifique, les aliénistes, on va créer un lieu spécifique, l'asile. Et donc la Salpêtrière, après la Révolution française, peu à peu, va accueillir au XIXe siècle deux populations principales, c'est des personnes âgées et les folles, deux fois les femmes. Et la Salpêtrière va rester un asile, si on peut dire, jusqu'au début du XXe siècle. Et est-ce que déjà, Benoît Majerus, au début du XIXe siècle, il y a une classification justement entre curable, incurable, épileptique, idiot, furieux, imbécile, enfin tous ces termes plus ou moins péjoratifs. Hein, ouais, péjoratifs pour aujourd'hui. Pour aujourd'hui, mais parce à l'époque... Parce qu'à l'époque, c'est comme, c'était des classifications qui à l'époque étaient considérées comme tout à fait valables. Et donc on a fait... C'est quelque chose qui apparaît déjà au XVIIIe siècle, où on essaye de réfléchir sur ces classifications, mais ça reste très peu dans la pratique. Et finalement, la première classification en psychiatrie, c'est quand même homme-femme, qui est fondamentale. Et puis, une deuxième classification, c'est est-ce que vous êtes agité ou pas. Et donc, finalement, des critères de gestion de la population sont longtemps beaucoup plus importants que des critères de diagnostic. Et ça reste valable jusqu'à aujourd'hui. Et par ailleurs, on sait aussi que bon, il y a la Salpêtrière, il y a Bicêtre hein, aussi, qui est un hôpital important. Et puis, vous dites aussi qu'il y a des pensions plutôt religieuses qui s'installent à Paris ou aux environs. Je pense à la pension Sainte-Colombe, pension Saint-Bardot, alors qui accueillent sans doute une autre catégorie sociale, je ne sais pas, de personnes et de malades. Je crois que d'une manière générale, pour tout ce qui concerne les temps modernes, il y a pas les congrégations continuent à jouer le rôle qu'ils ont finalement joué depuis le Moyen Âge. La charité. La charité. Donc c'est le modèle qui reste quand même dans la plupart des régions françaises, mais aussi qui reste valable finalement jusqu'au XIXe siècle, lorsque l'État est assez fort pour aussi payer des institutions comme ça. Le fait que ça existe à Paris dès le XVIIe siècle est aussi lié au fait que le roi est présent et qu'on a déjà un État centralisé qui a aussi l'argent, les moyens pour payer. Ici, une des ailes a été aussi payée par Mazarin. Et donc, si vous êtes dans des villes plus petites ou dans d'autres pays, vous n'avez pas déjà un État tellement fort avec des personnes qui sont capables de payer une telle institution. Alors, si on revient juste à l'après-révolution, nous l'avons abordé avec Pinel, Poussin, il faut libérer les fous, hein, ça correspond aussi à l'idéal révolutionnaire. Et en même temps, ce début du 19e siècle va voir la mise en place d'une loi très importante, cette loi de 1838. Alors, qu'est-ce qu'elle dit, cette loi 1838, et pourquoi elle est fondamentale à l'époque? Donc, en effet, la Révolution française a un peu créé le citoyen qui est libre. Et donc, on se rend très vite compte que, voilà, il y a une population auquel on ne va pas donner cette liberté. Et donc, on se pose la question, comment on peut enfermer quelqu'un qui n'a pas commis des crimes. Et donc, c'est le citoyen sous tutelle. Oui. Et donc, va apparaître cette catégorie d'aliénés qu'on a le droit d'enfermer et qui perd ses droits au niveau d'avoir de la propriété, de pouvoir participer aux élections et tout ça. Et donc on va créer, donc on a fait cette loi de 1838 qui va être votée et qui va déterminer une nouvelle catégorie de personnes, les aliénés, et qui va d'une certaine manière aussi créer un métier, l'aliéniste, hein, le futur psychiatre, qui est celui qui peut dire qui est fou, et donc aussi celui qui peut déterminer qui doit être dans un asile. Et finalement, la psychiatrie au XIXe siècle se définit autour de ces trois éléments. Texte de loi du 30 juin 1838. Article 1er. Chaque département est tenu d'avoir un établissement public spécialement destiné à recevoir et soigner les aliénés ou de traiter à cet effet avec un établissement public ou privé, soit de ce département, soit d'un autre département. Les traités passés avec les établissements publics ou privés devront être approuvés par le ministère de l'Intérieur. Article 2. Les établissements publics consacrés aux aliénés sont placés sous la direction de l'autorité publique. Article 3. Et c'est notamment Esquirol, hein, je crois, un psychiatre aussi très connu, qui va être un fondateur, enfin un initiateur cette loi. Donc on a fait ces psychiatres qui, ils se définissent pas encore comme psychiatres, mais donc qui commencent à partir de la fin du XVIIIe siècle et puis le début du XIXe siècle à réfléchir sur c'est quoi la maladie mentale, comment on peut la définir. C'est là où il y a les premiers traités, mais c'est aussi à ce moment-là que la médecine, d'une manière générale, va dire voilà, nous en tant que médecins, on va pas seulement guérir l'individu, mais on peut aussi intervenir sur la société d'une manière générale et avoir des idées pour gérer cette population. je crois que ça fait partie d'un mouvement où ce n'est plus l'Église qui donne sens à l'organisation de la société, mais où il y a des experts laïcs, qui ne sont plus les prêtres, et les aliénistes en font partie, qui proposent des nouveaux modèles pour cette société. Benoît Majerus, nous sommes au centre de Paris, nous sommes face au Bon Marché, hein, près du boulevard Raspail. Alors, Bon Marché qui se construit en 1838, au même moment que la loi de 1838, oui, exactement, qui concerne donc les aliénés. Et alors, le Bon Marché, parce que bah, c'est cette société du 19e, cette société urbaine, hein, parce qu'on est vraiment Paris, dans l'urbanité qui se développe. Où une monomanie, comment l'appelle-t-on, une maladie, maladie mentale, est constatée par les médecins, la kleptomanie. Oui, donc la kleptomanie, donc ça devient un diagnostic psychiatrique au 19e siècle. C'est quoi un peu la définition de la kleptomanie? C'est une personne qui vole quelque chose sans avoir le besoin ou qui a les moyens de se l'acheter. Et donc c'est de vol de choses qui ne sont pas nécessairement considérées comme particulièrement chères. Donc c'est un diagnostic donc, qui est un peu inventé au début du 19e siècle et qui n'a pas un succès, donc qui n'est pas repris dans la plupart des manuels. Et puis commence peu à peu donc, le Bon Marché, et puis vous avez tous les autres magasins qui se construisent dans le Paris du 19e siècle, donc on a fait quelque chose de très urbain. Donc il y a le magasin du Louvre, il y a le bazar de l'Hôtel de Ville. La Saint-Marie-Gratienne, donc il y a tous ces grands magasins, et apparaît un phénomène semble être nouveau, c'est-à-dire que dans ces magasins, il y a des femmes, parce que ces magasins étaient aussi un peu considérés comme des espaces protégés où les femmes aussi bourgeoises pouvaient faire leurs courses sans être importunées par des gens dans la rue. Donc c'était considéré comme un peu un espace protégé aussi pour ces femmes. Il y a des femmes... Oui, parce qu'il faut dire que la femme, au 19e siècle, elle doit être protégée évidemment de l'extérieur. De l'extérieur, hein. Donc normalement, elle fait d'ailleurs pas la femme bourgeoise, c'est pas les courses. Mais donc là, il y a un nouveau magasin donc, qui offre un peu un espace protégé, un magasin où on peut toucher ce qu'on veut acheter, où le prix est marqué. Et donc c'est aussi une toute nouvelle manière de vendre. Hein, donc c'est très différent d'une épicerie de l'époque. Donc ça, c'est en effet la modernité. Et dans ces magasins, il y a des femmes qui volent. Et donc ce concept ou ce diagnostic du début du 19e siècle, à la fin du 19e siècle, revient à la mode. Dans le bonheur des dames. Des dames de Isola, ça apparaît, mais donc vous avez des dizaines et des dizaines de thèses de médecins tout à coup qui sont publiées sur cette kleptomanie, et donc qui concerne essentiellement des femmes plutôt aisées qui volent sans qu'il y ait nécessité de voler. Donc ils volent des choses qu'ils pourraient aussi acheter. Donc la kleptomanie est d'une certaine manière une excuse, et devant la justice, les défenseurs, mais aussi les juges, vont dire voilà, ces femmes, ils sont soumis à des tentations. Et donc il y a un médecin qui dit, déjà c'est difficile pour les hommes d'y résister, hein, mais femmes, entre guillemets, sexe faible, ils sont incapables d'y résister, et donc c'est pas de leur faute, c'est la faute aux grands magasins, hein, qui offrent une tentation trop grande pour ces femmes, et donc ces femmes ne sont plus des coupables, mais deviennent des victimes. Les victimes de la consommation, et donc il y a toute une réflexion sur la modernité qui finalement est beaucoup moins, ou qui serait beaucoup moins positif que ce qu'on pourrait croire. Mais les aliénistes et les magistrats, parfois, sont peu enclins justement à définir la kleptomanie comme une maladie. Le vol, finalement, ça peut être aussi une maladie. Et on peut imaginer qu'il y a des problématiques de simulation peut-être aussi qui émergent. Ce qui est intéressant dans cette kleptomanie, c'est aussi le moment où la psychiatrie rentre dans le tribunal. Très longtemps, c'est les juges qui peuvent définir qui est responsable et qui n'est pas responsable. L'aliéniste, qui d'une certaine manière était confiné à l'asile par la loi, va dire, mais non, je suis celui qui est dans l'asile, mais je peux aussi être en dehors de l'asile, dans la société, et un des lieux où il va essayer de s'imposer, c'est devant le juge, dans le tribunal. Et donc, il y a, en effet, on peut aussi lire l'histoire de la kleptomanie comme qui définit la folie, Et est-ce qu'un aliéniste ou un juge définit la folie à l'intérieur d'un tribunal ? Mais la problématique que pose aussi la kleptomanie, c'est que ce sont des femmes bourgeoises. Donc oui, ça sous-entend que le vol n'est plus seulement dévolu ou pratiqué par les classes dangereuses, ce qu'on appelle à l'époque les classes dangereuses. Mais je veux dire, ce qui est intéressant dans la kleptomanie, c'est qu'on prend en compte et un côté genré et un côté classe. Donc il y a sa double lecture et que la kleptomanie touche vraiment essentiellement des femmes bourgeoises. D'ailleurs, les autres femmes, ils peuvent pas rentrer dans les grands magasins. De toute manière, ils sont pas admises, ils savent pas comment se comporter dans un grand magasin. Et ici, c'est vraiment pour empêcher que des femmes bourgeoises se retrouvent finalement en prison. Le fait de dire, elles sont pas responsables, elles sont pas condamnées. Et c'est dans ce contexte-là que les historiennes lisent aujourd'hui ce diagnostic de la kleptomanie. Et ces kleptomanes, ces femmes, elles peuvent pas être non plus considérées comme des délinquantes, puisqu'elles volent. Elles pourraient être considérées comme des délinquantes. C'est impensable. Ça, c'est impensable. Et d'un autre côté, ce qui est aussi intéressant avec la kleptomanie, c'est que la folie est aussi, à travers la kleptomanie, mais aussi à travers d'autres diagnostics, comme quelque chose qui maintenant peut toucher tout le monde, mais qui n'est pas permanent. Donc, vous pouvez vous comporter complètement normalement dans votre vie quotidienne, et puis avoir des accès, des manies, des impulsions de voler, ce qui fait aussi que ces femmes ne sont pas nécessairement alors internées en hôpital psychiatrique, parce qu'elles ne sont pas folles en permanent. Et il suffit finalement de ne pas les emmener dans ces lieux où la tentation est trop grande pour que, d'une certaine manière, elles soient plus dangereuses. Outre les volants de point d'Alençon, 12 mètres à 1000 francs cachés au fond d'une manche, elles trouvèrent dans la gorge, aplatis et chauds, un mouchoir, un éventail, une cravate, en tout pour 14 000 francs de dentelles environ. Depuis un an, Madame de Beau volait ainsi, ravagée d'un besoin furieux, irrésistible. Les crises empiraient, grandissaient, jusqu'à être une volupté nécessaire à son existence, emportant tous les raisonnements de prudence, se satisfaisant avec une jouissance d'autant plus âpre qu'elle risquait sous les yeux d'une foule son nom, son orgueil, la haute situation de son mari. Maintenant que ce dernier lui laissait vider ses tiroirs, elle volait avec de l'argent plein sa poche. Elle volait pour voler, comme on aime pour aimer, sous le coup de fouet du désir, dans le détraquement de la névrose que ses appétits de luxe inassouvi avaient développé en elle, autrefois, à travers l'énorme et brutale tentation des grands magasins. Émile Zola, au bonheur des dames. Il y a certains médecins, psychiatres, qui justement expliquent ce phénomène impulsif par le fait que, par exemple, ces femmes, elles ont un moment de folie pubertaire, un moment de folie menstruelle, un moment de folie de grossesse. Donc c'est clairement aussi, cette idée d'impulsion est clairement liée aussi alors à des moments qui sont jugés particulièrement perturbatrices pour les femmes, que ce soit en effet la puberté ou la ménopause ou au moment d'avoir ses règles. Donc c'est clairement aussi une définition très biologique du moment où les femmes seraient particulièrement vulnérables. Et est-ce que c'est au même moment, justement, Benoît Majerus, que Charcot est à la Salpêtrière et il étudie l'hystérie? Alors, mais je crois que c'est vraiment aussi, oui, c'est aussi au moment du 19e siècle où on dit que la place de la femme est vraiment à l'intérieur de la maison. Et donc, il y a la médecine, et à travers la médicalisation du corps féminin, on peut les obliger, on peut les enfermer dans un hôpital psychiatrique, ou on peut dire, voilà, ils ne peuvent pas aller à l'extérieur. Et la kleptomanie ou l'hystérie fait partie de tout ce mouvement au 19e siècle de la médicalisation du corps féminin qui pose problème. L'homme ne pose pas problème parce que, justement, il n'a pas la ménopause ou la puberté se définit différemment. Et donc, on a fait toute une médicalisation et une problématisation du corps féminin. Et puis, il y a une médiatisation aussi, je crois, Benoît Majerus, de la kleptomanie, comme phénomène impulsif, ça fait la une de détectives ou des journaux populaires. C'est quelque chose qui... populaire. Donc, lorsqu'on regarde comment la femme folle apparaît dans les médias à la fin du 19e siècle, il y a l'hystérique, mais il y a en effet la kleptomane, parce qu'elle fait aussi vendre. Voilà, la femme bourgeoise qui vole, ça fait plus vendre qu'une pauvre qui vole. C'est quand même aussi parfois des noms connus. Et donc tout ça fait aussi le bonheur d'une presse qui, à ce moment-là, a aussi des tirages très importants et qui est dans une très grande concurrence. Une autre figure qui fait vendre aussi et qui est associée à la folie, parfois, c'est le criminel. Et il y a ces discussions, justement, pour savoir si il est criminel, si simule la folie pour ne pas être accusé de criminel. Mais là aussi, les médias s'en font l'écho de manière très courante, Benoît Majerus. Alors, c'est du fait, évidemment, de l'expansion de la presse. C'est le grand âge de la presse, le 19e siècle. C'est le grand âge de la presse, des faits divers qui apparaissent et qui apparaissent comme un sujet légitime et qui font vendre. Et c'est aussi un moment où, de plus en plus, la folie est... lorsqu'on parle de folie, on parle aussi souvent de dangerosité ou de psychopathe. Et donc, on a quelque chose qui reste aussi valable jusqu'à aujourd'hui, c'est-à-dire cette différenciation qui n'est pas toujours très claire entre le criminel et le fou, et que peut-être chaque fou est aussi un peu criminel et dangereux, et que chaque criminel est aussi un peu fou. Et ça, c'est quelque chose, cette figure-là apparaît à la fin du 19e siècle. Et cette figure-là, il faut l'enfermer, Benoît Majerus ? Il faut l'enfermer, et c'est une discussion qui est réapparue en France dans les dernières 10 ans aussi. Elle permet aussi, d'une certaine manière, un enfermement définitif ou à plus longue durée. Cet enfermement dans la psychiatrie n'est pas un enfermement limité. Aussi longtemps que quelqu'un vous considère comme dangereux, vous restez dans un hôpital psychiatrique. Ces bourgeoises, Benoît Majerus, alors elles sont enfermées ou pas, hein, parce qu'elles ont commis un vol, mais la plupart du temps elles ne le sont pas. Je pense par contre qu'il y a d'autres bourgeois qui demandent asile, entre guillemets, dans un asile, mais qui ne vont pas aller à la Salpêtrière, à Bicêtre ou à Sainte-Anne, hein, on le verra plus tard, mais qui vont bénéficier de maisons de repos, de maisons d'accueil, comme celle très connue du docteur Blanche qui est dans le 16e arrondissement. En effet, on peut très bien s'imaginer que une bourgeoise qui a été attrapée 2 ou 3 fois en train de voler ici en bon marché, qu'à un moment la famille dit voilà, c'est trop honteux pour la famille, on ne veut pas avoir ça encore 2 ou 3 fois et on va chercher une autre solution. Et d'un autre côté, c'est aussi très clair que cette femme bourgeoise ne va pas se retrouver à la Salpêtrière parmi les pauvres, dans des grands dortoirs où elle doit manger quelque chose qui n'est pas très agréable à manger, où elle doit partager la promiscuité. Et donc pour cette catégorie sociale qui a plus d'argent, il y a en effet d'autres solutions à Paris. Et on y va. Benoît Majerus, nous nous sommes rendus maintenant à Passy, hein, dans le quartier de Passy, dans le 16e arrondissement. Alors à l'époque, ce n'est pas Paris, au moment où le docteur Blanche propose dans sa maison, ce qu'on va appeler la maison du docteur Blanche, d'accueillir des aliénés, mais pas n'importe lesquels, puisqu'il faut être quand même avoir des finances pour venir se reposer dans la maison du docteur Blanche, qui est créée en 1821. Oui, donc ce qui est important, donc en effet, qu'on est à Passy, à ce moment, c'est un peu encore la campagne. C'est là où au XVIIe, XVIIIe siècle, il y a la noblesse parisienne qui vient s'installer dans des belles demeures. Et donc le docteur Blanche va acheter une de ces villas et il va y proposer une psychiatrie pour des gens qui ont de l'argent, qui ont beaucoup d'argent, mais qui veulent justement éviter de se retrouver dans un asile avec tous les stigmates qui vont avec. Et donc on va voir pendant tout le 19e et aussi 20e siècle autour de Paris, donc au premier, ça va aussi aller de plus en plus loin, s'éloigner du centre à la mesure que Paris grandit, des maisons qui justement s'appellent pas asile, mais qui s'appellent maison de santé ou maison de repos ou sanatorium ou de convalescence, et qui d'ailleurs n'est pas pour des fous, oui, pour des gens touchés par la nervosité. Donc souvent on utilise le terme nervosité pour pas justement utiliser le terme de la folie, et où on va reproduire un peu au niveau du lieu d'habitation ce que ces gens connaissent de chez eux. Donc souvent il y a un grand salon, il y a une grande bibliothèque, il y a un piano, vous dormez pas en dortoir mais vous avez votre chambre, le soir lorsque vous mangez c'est comme dans la famille. Donc vous avez le docteur Blanche et sa femme qui cuisinent, ils font un peu salon, donc il y a des soirées où on chante, il y a des soirées où on lit, il y a des soirées où on fait de la musique. Donc le but c'est de reproduire le plus possible l'atmosphère familiale, l'atmosphère familiale qui devrait aussi être thérapeutique. Alors pourquoi thérapeutique? Parce que voilà, il y a la discussion, il y a une sorte de l'idée d'un traitement moral. C'est pas de la psychanalyse, mais peut-être. Non, un traitement moral est le bon terme, c'est-à-dire que c'est dans la discussion et dans le calme que cette famille qui est saine, qui est propre, qui est comme il faut, produit, que ces gens vont retrouver leur paix. Souvent, il accueille aussi des artistes qui sont jugés un peu dans plus vraiment correspondre aux normes de la société. Et donc, le fait de vivre là dans une famille, entre guillemets, normale, devrait nouveau les guérir. Il faut savoir que les prix sont assez conséquents. Il y a même des gens comme Baudelaire, pour lequel c'est trop cher et qui doit aller dans d'autres maisons de santé. Donc, il y a aussi plusieurs maisons de santé. Mais la maison du docteur Blanche, elle est la plus renommée parce qu'elle commence assez tôt, parce qu'elle accueille plein de gens connus, donc tout le monde veut aussi y aller. Il y a la maîtresse Napoléon, il y a Maupassant, Théo Van Gogh. Donc il y a plein de gens très connus et donc tout le monde veut y être. Et donc si je vous ai dit qu'ils tiennent un peu salon, ils ont aussi les gens pour tenir salon. Donc il y a aussi des gens qui ne sont pas fous qui viennent pour rencontrer ces personnages très connus. Et puis c'est une maison qui va donc exister sur trois générations. Il y a d'abord le père, puis le fils, et puis le fils vend à quelqu'un d'autre, mais il va continuer à venir. Et donc les gens vont dire on continue à aller chez Docteur Blanche, même si c'est plus lui qui tient la maison. On voit bien, Benoît Majerus, la mise en place d'une psychiatrie à deux vitesses. Hein, une psychiatrie pour le commun, public, et une psychiatrie privée. Et ça, c'est commun pour toute l'Europe. C'est-à-dire que dès le 19e siècle, vous avez une psychiatrie qui est souvent alors pour les indigents, où c'est l'assistance publique qui paye, où vous êtes enfermé, et il y a à côté une psychiatrie pour des gens plus aisés, et qui veulent finalement continuer à habiter comme avant. Donc, en effet, parfois, ils peuvent amener leur propre domestique. Donc, il n'y a pas une véritable rupture dans leur vie quotidienne. Benoît Majerus, nous sommes à l'hôpital Sainte-Anne. Alors nous sommes rentrés au 1 rue Cabanis, nous avons longé l'allée centrale et puis sur la gauche, il y a ce petit square, donc c'est le square Baudelaire. Pour cet hôpital qui a été donc édifié en 1867, qui fait suite aussi d'une certaine manière à cette fameuse loi toujours de 1838, c'est-à-dire à un moment donné, il faut construire des établissements pour accueillir les aliénés. On ne peut pas tous les envoyer dans les départements. Mais il manque des infrastructures. Le problème, c'est que Paris avait Bicêtre et la Salpêtrière, mais qui ne correspondaient pas à ces asiles modernes. Donc, on vient du bon marché où il y avait l'idée de la modernité. Ici, d'une certaine manière, c'est aussi l'idée de la modernité. Parce que c'est plus l'architecte qui détermine l'architecture des bâtiments, mais c'est le médecin. Et donc, on a ici ce qui est typique pour les asiles de la fin du 19e siècle, ou pour la deuxième moitié du 19e siècle, des bâtiments administratifs assez imposants, donc qui doivent montrer le respect et impressionner un peu. Et puis, il y a des petits pavillons, donc les hommes à droite, les femmes à gauche, et puis à l'intérieur des pavillons, théoriquement, on doit respecter les différents diagnostics qui existent. Donc ce qui est important, c'est que c'est des médecins qui réfléchissent l'architecture. Bon, bien sûr, après, il y a des architectes qui construisent, mais c'est plus l'architecte, comme c'était encore le cas à la Salpêtrière, où c'est quand même des très grands bâtiments, où l'ornementation joue un rôle très important. Ici, on est beaucoup plus dans une approche entre guillemets scientifique, le bâtiment doit être rationnel, il doit d'abord répondre à des besoins des médecins. Et c'est pour ça aussi donc il y a des squares, il y a des pelouses, il y a un peu de verdure, parce qu'on estime aussi que c'est nécessaire pour justement accueillir les donc aliénés. Ça reprend deux idées. Donc en fait, avant l'hôpital Sainte-Anne, il y avait une ferme ici où des patients de Bicêtre venaient travailler. Donc cette idée que la nature fait du bien aux gens qui ont des problèmes psychiques existe depuis longtemps. Donc ils venaient travailler ici et donc on continue à garder cette idée tout au long du 19e, mais même au 20e siècle. Et donc se pose la question, lorsqu'on construit un hôpital dans la ville, il faut quand même aussi avoir de l'espace vert. Et souvent, dans les villes plus petites, l'hôpital est vraiment construit à l'extérieur de la ville. Pourquoi Sainte-Anne se trouve quand même en ville? Sainte-Anne n'est pas non plus, dans un premier temps, pensée comme un hôpital où on reste. À Sainte-Anne, c'est un double fonction. D'un côté, ça doit accueillir toutes les personnes qui sont considérées comme fous. Et donc, on fait un tri ici et on va les envoyer d'ici à d'autres hôpitaux. Donc, on va... Bon, à Paris, c'est la préfecture qui, normalement, envoie les malades mentaux. Et donc, c'est ici que les médecins vont dire, voilà, cette personne, il y a tel diagnostic et tel diagnostic. Et donc, on va l'envoyer dans tel ou tel hôpital ou dans tel ou tel asile. Et la deuxième fonction, c'est une fonction de formation. Le but de Sainte-Anne, c'est de former des médecins. Et donc, dans la deuxième moitié du 19e siècle, la psychiatrie rentre dans les facultés de médecine. Et donc, celui qui est directeur de Sainte-Anne et en même temps à la chaire à la faculté de médecine. Là, on voit à notre gauche le pavillon Magnan, qui était celui qui... C'est le premier directeur, en fait, Magnan. Oui, c'est un peu... Donc, il était à la tête de cette institution qui s'occupait du tri, et pendant très longtemps. Hein, donc, jusque, je crois, de 1876 jusqu'à 1912. Et donc, il a vraiment marqué Sainte-Anne. Ce qui est intéressant, justement, il n'a pas été appelé à la chaire à la faculté de médecine parce qu'il était un aliéniste. Hein, et ils ont préféré un neurologue, donc qui avait une formation un peu plus clinique. Et donc ça reste aussi pendant très longtemps cette opposition entre l'aliéniste qui est vraiment défini par l'asile, par cette pratique de la psychiatrie quotidienne et en contact avec les patients, et puis une neurologie qui est plus universitaire et qui d'un autre côté beaucoup moins en contact quotidien avec la folie ordinaire. Il était précurseur d'ailleurs un peu Magnan, dans le sens où il voulait prendre en considération l'aliéné comme humanisé, en tous les cas la condition de l'aliéné. En tout cas, il soutenait le mouvement No Restraint, qui était un mouvement qui venait de la Grande-Bretagne, qui voulait limiter les moyens de contention, donc entre autres la camisole, et donc il était contre la camisole. C'était aussi un de ces aliénistes qui voulait aussi d'une certaine manière sortir de l'hôpital. Il s'est fortement engagé dans la lutte contre l'alcoolisme. Et donc c'est cette volonté aussi de dire, voilà, la psychiatrie n'est pas seulement, elle doit pas se limiter aux personnes qui sont à l'intérieur des murs, mais elle a aussi une vocation à l'extérieur des murs, dans la société. Et Magnan, dans sa lutte contre l'alcoolisme, il se situe clairement dans une fonction en dehors de l'asile, et pas seulement à l'intérieur de l'asile. Benoît Majerus, on n'a pas abordé quelle est la vie quotidienne d'un patient. C'est une vie remplie parce que on pourrait dire que l'institution asilaire a horreur du vide. Les malades, pas tous, hein, mais ceux qui peuvent, se lèvent le matin assez tôt. Donc la vie est vraiment rythmée par la nourriture, jusque dans les années 50, et puis c'est les médicaments qui rythment la vie. Après, on reste quand même aussi beaucoup alité, donc le repos est considéré aussi comme une thérapie. Et donc il y a d'un côté le travail et d'un autre côté l'alitement qui est pensé comme aussi une thérapie. Le problème, c'est qu'on a peu de sources pour le 19e siècle. En fait, les registres des patients sont assez pauvres parce que c'est justement des registres, donc on n'a pas le dossier du patient individuel qui permet de voir un peu quelle pourrait être l'expérience du patient, contrairement au 20e siècle, où là, on a des dossiers et où on voit que souvent, le patient s'ennuie, justement. Alors, une des particularités, vous l'avez déjà un petit peu abordé, Benoît Majerus, de cet hôpital Sainte-Anne, c'est qu'il va lier à la fois la recherche scientifique médicale et l'accueil des malades. Et ça, c'est vraiment nouveau, parce qu'à Sainte-Anne, va être créée donc, une chaire des maladies mentales. Cette chaire qui, en même temps, va permettre donc, d'avoir la psychiatrie représentée dans la faculté de médecine de Paris. Et donc, à côté de la Salpêtrière, Sainte-Anne va se caractériser par ce côté de la recherche, avec leur propre journal scientifique, avec des conférences et avec cette volonté de publier. En disposant toutefois d'une certaine autonomie justement par rapport à la faculté de médecine qui n'est pas forcément totalement ouverte à la psychiatrie à l'époque. Oui, autonomie, mais aussi ça produit très vite des jalousies parce que voilà, ici à Sainte-Anne on va garder les cas qui sont entre guillemets intéressants. Et dans les hôpitaux psychiatriques que le département de la Seine construit un peu dans la périphérie, vont se retrouver les cas chroniques. Et donc être à Sainte-Anne a aussi un prestige beaucoup plus important que lorsque vous êtes à Maison-Blanche ou à Ville-Évrard ou dans d'autres hôpitaux psychiatriques dans la périphérie qui dépendent quand même aussi du département de la Seine. Alors, si on chemine un petit peu dans Majerus, dans l'histoire de cet hôpital Sainte-Anne, il est novateur aussi, il est précurseur dans la création, par exemple, de services semi-ouverts. C'est une des histoires que Sainte-Anne aime bien mettre en avant. On ne sait pas si c'est le premier service ouvert, mais donc on a fait dans les années 20, dans l'entre-deux-guerres, c'est créer un service autour d'Édouard Toulouse, qui était un médecin qui très influencé par l'hygiénisme, qui va proposer des consultations. Donc vous venez à l'hôpital psychiatrique, mais vous ne venez pas pour y rester, vous y venez pour une consultation. Avec aussi alors d'autres métiers, comme par exemple l'assistante sociale, et puis après des psychologues, donc aussi avec des nouveaux métiers qui vont rentrer dans la psychiatrie. Et la psychanalyse va rentrer à Sainte-Anne, bien sûr, avec Lacan. Ça, c'est quelque chose qui est spécifique à Sainte-Anne, c'est que Sainte-Anne est composée de plusieurs services, et chaque service a un peu sa spécificité. Donc il y a une très grande hétérogénéité de ce qui est permis à l'intérieur de Sainte-Anne. On ne peut pas dire qu'il y a une école de Sainte-Anne. Et donc ça a aussi permis à la psychanalyse de trouver sa place, notamment avec Lacan, qui avait un cours ici, de rentrer dans Sainte-Anne, et d'avoir, au moins dans les années 50 et 60, une réelle influence aussi sur les psychiatres. Donc à ce moment-là, il y avait quand même beaucoup de psychiatres qui avaient en même temps une formation de psychanalyse, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Donc bon, ça va devenir un mode de soin, évidemment, la psychanalyse. On n'a pas trop parlé, Benoît Majerus, des autres modes de soins, même qui précèdent, évidemment, les années Lacan, enfin, en tous les cas, le début du XXe siècle. Alors, on pratiquait quoi ? L'hydrothérapie, je crois, les bains, les douches. Comment soignait-on, ou apaisait-on les malades ? Avant qu'arrive aussi, on va y venir, la neurochirurgie et les médicaments. Le premier soin ou la première thérapie, c'est l'asile en fait. Aujourd'hui, on met plutôt en avant les côtés pathogènes de l'institution, mais très longtemps, l'institution est considérée par les psychiatres comme la première thérapie. Et puis, on a fait des thérapies d'eau, donc on vous met dans un bain en espérant que ça vous calme. Il y a le travail. Il y a le fait que vous êtes alité, il y a déjà des médicaments à la fin du 19e siècle, et puis d'une certaine manière, il y a une accélération dans l'entre-deux-guerres où on commence à travailler avec des thérapies de choc. Donc le plus connu aujourd'hui dans l'imaginaire, notamment grâce au film, c'est l'électrochoc, mais on a déjà d'autres chocs, des chocs à l'insuline, on fait des chocs au cardiazole, on ne sait pas très bien comment ça fonctionne, mais on a l'impression que ça peut faire sortir des malades de leurs états où ils sont agités, ou lorsque les gens sont au calme, de nouveau les réveiller. Dans les années juste avant ou pendant la Deuxième Guerre mondiale viennent alors les électrochocs. On découvre alors dans les années 50, à Sainte-Anne, qui est souvent un peu considéré comme une révolution, les neuroleptiques. L'Argati, donc le premier neuroleptique, et donc Delay et Deniker, qui était en effet médecin ici, auraient été les premiers médecins qui auraient dit que ces médicaments n'auraient pas seulement eu un côté calmant, mais antipsychotique, qu'ils seraient capables d'influencer sur la psychose même. Et c'est le début du fait que le médicament devient la thérapie dominante dans l'hôpital, mais c'est aussi à partir de ce moment-là que des thérapies psychiatriques sortent de l'hôpital. Des électrochocs, vous ne pouvez pas les faire à la maison, la lobotomie non plus, mais les médicaments, vous pouvez les prendre à la maison. Et donc, tous les antidépresseurs, toute cette histoire-là naît au début des années 50 avec l'invention des neuroleptiques. Mais avant, il y a ce qu'on appelle la neurochirurgie, la psychoneurochirurgie, c'est-à-dire, je pense à la lobotomie, hein, des années 1936, qui est pratiquée, en particulier à Sainte-Anne. Les chirurgiens de Sainte-Anne sont les plus à même aussi de pratiquer cette lobotomie parce que ce sont les plus compétents. Donc parfois, ils vont faire des lobotomies dans d'autres hôpitaux. Oui, donc la lobotomie, c'est on coupe des nerfs dans le cerveau. Et donc, en effet, les médecins de Sainte-Anne vont devenir les spécialistes de la lobotomie en France. Et donc, il y a des hôpitaux, des asiles psychiatriques des provinces qui vont envoyer les patients ici à Sainte-Anne pour 2-3 jours pour faire ces lobotomies. Et la lobotomie est vraiment la thérapie un peu de dernier ressort. Donc, lorsqu'on regarde les dossiers des patients, on a essayé d'abord d'autres thérapies de choc, on a essayé le Largatil ou d'autres neuroleptiques. Et c'est lorsque toutes ces thérapies-là ne fonctionnent pas qu'on pratique la lobotomie. La lobotomie est aussi quelque chose qui est le plus souvent pratiqué sur les femmes que ceux des hommes, mais les conséquences sont assez graves parce que le plus souvent après, le patient est certes calme, mais trop calme. Donc les personnes sont souvent proches de légumes, ils sont plus capables d'avoir une vie normale, mais le côté important, c'est qu'ils soient calmes, qu'ils soient plus perturbateurs dans le service. Et cela va se pratiquer longtemps encore Oui, souvent un peu dans le récit un peu positiviste ou un peu où on va vers un monde meilleur, on dit oui, une fois qu'on a les neuroleptiques, on n'avait plus besoin des lobotomies, mais c'est pas vrai, on continue à faire des lobotomies jusqu'aux années 60, donc ça reste une pratique qu'on continue à faire. Benoît Majerus, nous sommes à côté de l'école d'infirmières et c'est pas anodin parce qu'en fait, Sainte-Anne a abrité la première école d'infirmières incitée, impulsée par Bourneville, qui est un autre psychiatre très connu de cette période. On va former un personnel laïque désormais. Oui, donc on a déjà un peu parlé de ça à la Salpêtrière, mais donc Paris, avec cette tradition républicaine et laïque, va mettre en avant, ou va essayer de mettre en avant le fait que les femmes et hommes qui travaillent dans les hôpitaux psychiatriques, qui sont là en fait dans le quotidien, parce que le médecin, il est là une heure par jour, mais ceux qui gèrent les patients dans le quotidien sont ce qu'on appelle à l'époque encore des gardiens ou des gardiennes. Et donc, on dit, voilà, ces personnes-là ont aussi besoin d'une formation. Et l'avantage un peu des sœurs et frères, c'est qu'ils avaient, on disait, à travers leur vocation, une approche particulièrement humaine par rapport à ces malades qui étaient un peu chroniques. On va dire, voilà, nous, on va former des infirmiers et des infirmières qui, eux, c'est pas la charité qui va, mais ils ont un vrai savoir scientifique, ou en tout cas médical, qui va faire qu'ils vont faire des meilleurs soins que les congrégations. Et ça a des coûts, parce qu'une infirmière, ça coûte plus cher qu'une sœur. Et donc, à Paris, on va créer les premières écoles d'infirmières et d'infirmiers psychiatriques, mais donc beaucoup plus tardivement quand même que la formation des infirmières tout court, qui commence déjà au milieu du 19e siècle. Et très longtemps, contrairement aussi aux infirmiers et aux infirmières, cette formation ne sera pas organisée au niveau national. Il y a un diplôme d'infirmière, d'infirmier psychiatrique qui est mis en place en 1955. Oui, mais donc c'est relativement tardif par rapport à d'autres métiers dans les hôpitaux. Et le fait de mettre en place dans les années 50 montre aussi que l'antipsychiatrie arrive avant 68. Donc cette questionnement de ce qu'est la psychiatrie va, dès les années 50, se poser d'une manière très intense. Et donc le fait de vouloir davantage former les gens qui sont là dans le quotidien est un signe de ça, d'interrogation, de c'est quoi des bons soins en psychiatrie. Pour conclure, comment vous définiriez les ruptures après la Seconde Guerre mondiale dans la psychiatrie et à quel moment ? Il y a deux moments, donc un pendant la Deuxième Guerre mondiale, parce que la psychiatrie française est vraiment touchée par une très très forte mortalité pendant la guerre. En fait, les personnes dans les institutions, pas seulement non plus les patients psychiatriques, mais aussi par exemple les personnes âgées, ils n'ont que droit aux rations officielles qui ne suffisent pas. Lorsque vous êtes en dehors d'une institution, vous utilisez le marché noir, vous avez votre petit jardin, vous avez de la famille à la campagne, donc vous pouvez vous ravitailler ailleurs. Et ça, les patients psychiatriques peuvent pas le faire. Et ça prend très longtemps avant que Vichy prend des initiatives qui permettent d'augmenter les rations. Et donc vous avez une mortalité extrême dès les premières années de la guerre, donc 41-42. Et donc ça a quand même posé une question à ces psychiatres, de dire voilà, l'hôpital est mortifère. Et donc après la guerre, il y a une vraie réflexion sur comment rendre cet hôpital plus humain. Et le deuxième moment, on pourrait le définir le moment 68, mais il commence en psychiatrie déjà un peu avant 68, c'est-à-dire la mise en question de la parole et du savoir du psychiatre. Donc on va avoir un moment où la parole d'autres personnes va être plus audible, notamment celle des infirmières, des soignants, qui vont être particulièrement aussi engagés dans les mouvements de revendication dans les années 60 en psychiatrie, mais aussi des patients. Et un des successeurs, si on peut dire ça, de ce moment des années 60, est cette Matt Pryde, un peu à la symbole des Gay Pride, qui traverse aussi depuis quelques années les rues de Paris, et où il y a des patients qui se revendiquent fous, Donc il revendique le droit d'être fou et il revendique des droits particuliers, notamment sur, on veut connaître nos médicaments, on veut savoir quel médicament on nous donne. Et ça, c'était quelque chose qui apparaissait déjà dans les années 60, cette revendication, où il y avait aussi déjà des mouvements de patients. Il y a notamment un journal dont j'adore le titre, qui s'appelle Les handicapés méchants, et qui était finalement des mouvements d'usagers de la psychiatrie, qui était une fois très présent dans les années 60, puis ça a un peu disparu en France et ça revient maintenant à nouveau. Donc on voit bien tout le chemin parcouru aussi, ce fou que l'on veut cacher, des vies qu'on veut enfermer et qui peu à peu s'autonomise d'une certaine manière et même revendique. Oui, qu'eux aussi ils ont un savoir sur la folie et ce que ça veut dire être fou et que ce savoir-là doit aussi être entendu. Merci Benoît Majrus. Merci aussi. Du rythme et des couleurs pour habiller ce premier défilé de la Mad Pride. Juin 2014. Ils manifestent pour revendiquer leurs différences et lutter contre toute forme de stigmatisation. Ben, on aimerait bien que le fou soit quelqu'un qui soit sans arrêt sous camisole chimique, qu'on a juste qu'à prendre par la main pour traverser la route, sauf qu'aujourd'hui la personne usagère en santé mentale, elle est actrice dans son monde et elle a envie de prendre sa place. J'ai envie de dire, regardez-nous, on est comme tout le monde. Si vous me rencontrez dans la rue, je peux discuter avec vous, avoir des propos cohérents. Vous ne pouvez pas savoir qu'il y a quelques mois ou quelques années, j'étais hospitalisée et très très mal. Merci à Benoît Majrus, enseignant à l'Université de Luxembourg. Lecture, Hélène Losseur. Prise de son, Christophe Papon. Mixage, Olivier Dupré. Une histoire de la folie à Paris, une émission proposée par Séverine Liattard et Séverine Cassard. Demain, nous poursuivons notre série consacrée à l'histoire de la folie en nous intéressant aux dernières recherches des historiennes et historiens sur cette histoire, dans la poursuite ou pas d'ailleurs des travaux de Michel Foucault qui datent presque maintenant de 60 ans, donc sur l'histoire des institutions psychiatriques. Si vous voulez écouter ou réécouter cette émission, n'hésitez pas à aller sur le site internet de France Culture, franceculture.fr. Vous pouvez également discuter avec nous sur le groupe Facebook des Amis de la Fabrique de l'Histoire ou encore nous suivre sur le réseau Twitter à l'adresse Fabrique FC. Fabrique FC.